Mesdames, Messieurs, la radiodiffusion télévision française vous invite à écouter La Béarnaise, opéra comique en trois actes, paroles d'Eugène Leterrier et Albert Vanlot, musique d'André Messager. En voici la distribution. Jacquette, Lina Dachary. Bianca, Claudine Collard. Bettina et l'hôtelière, Gabrielle Ristori. C'est Willy Clément qui sera le capitaine Perpignac, Raymond Amade, le chevalier Pomponio, René Lenotti, Girafo, Emedonia, le duc de Parme, Gaston Ray, Grabassou, Gérard Friedman, Cadet. Réalisation Lucien Duchemin, collaboration artistique Georges Foy. Le texte de présentation est de Denise Vautrin. Les interprètes, l'orchestre lyrique de la radiodiffusion télévision française et les chœurs, chef des chœurs Jean-Paul Crédère, sont placés sous la direction de Marcel Carrier. Nous sommes en l'année 1595 en Italie, dans la ville de Parme, et plus précisément sur une grande place devant le palais ducal dont nous voyons à gauche l'entrée, les grilles, les terrasses et l'escalier monumental. À droite, c'est une hôtellerie et aussi un peu plus loin une boutique avec cette enseigne « Pandolfo drapier costumier ». Au fond, nous apercevons la ville. Cette ville de Parme, autrefois si gaie, si brillante, si amoureuse, et qui est devenue sévère, austère et prude. C'est que le grand-duc qui gouverne la principauté n'admet aucune licence et que son grand chambellan, le chevalier Pomponio, est bien obligé de suivre ses directives. Au moins, à l'heure de midi, le bon peuple et la jeunesse patricienne viennent-ils goûter le calme plaisir de la promenade. Attention, mes amis, de la tenue, voici le grand chambellan. Vive le grand chambellan ! Salut au chevalier Pomponio. Pomponio Schifardini. Pomponio pour les dames, Schifardini pour les demoiselles. Ah, tiens. Et dire qu'avec deux noms aussi chiffonnés, je suis obligé de prendre des dehors graves et vertueux. Oh. Tout cela à cause du duc, de notre haut et puissant seigneur, le duc de Parme. Ça... Sous prétexte qu'il est vieux et fatigué et qu'il ne peut plus s'amuser, il ne veut plus maintenant que les autres s'amusent. Dès qu'on surprend un jeune homme causant d'un peu près avec une jeune fille, hop, on les marie. Mais c'est effrayant, ça. Oh, mais c'est à donner le frisson. Je ne dis pas ça pour moi, qui vais bientôt être à l'abri des orages. Et comment ça? Oui, j'ai des intentions matrimoniales. Ah. Il s'agit de la plus jolie femme de toute la ville, la petite comtesse Bianca Colomelli, la nièce du duc. Oui. C'est aujourd'hui qu'expire son veuvage et que le duc doit lui choisir un nouvel époux. J'ai posé ma candidature et je crois que j'ai des chances. Vraiment? Oui, il n'y a qu'un petit ennui, c'est qu'elle ne peut pas me souffrir. Oh, mais j'ai résolu de frapper un grand coup. À l'aide d'un poète et d'un musicien, j'ai composé une petite sérénade dont je veux essayer l'effet sur la délicieuse Bianca. Donc, vous seriez bien aimable de me laisser seule sur cette place. C'est bien, monsieur le chevalier. Et bonne chance. Allons, messieurs les musiciens, attaquons. Sous ton balcon qui chante cette chanson touchante. C'est moi ton esclave fidèle qui soupire et qui t'appelle et qui t'offre sa foi. C'est moi Oh ma belle paresse, mon âme tes divins attraits s'enflamment. En moi je sens un grand délire. Le pauvre chambellan expire. Paraît, ma belle paraît. La la la la la la la la la la. Matin et soir qui pleure, voulant te voir une heure. C'est moi ton esclave fidèle qui soupire et qui t'appelle. Qui t'offre sa foi. C'est moi Oh ma belle paresse, mon âme à tes divins attraits s'enflamme. En moi je sens un grand délire. Le pauvre chambellan expire. Paraît, ma belle paraît. La la la la la la la la la la. Mais c'est le chevalier Pomponio. Qu'est-ce que vous faites donc? Mais la comtesse Bianca, comment? Je chante et vous n'étiez pas chez vous? Non, vous voyez, je viens d'aller faire une visite en ville. Oh. Chevalier, je sais parfaitement ce qui vous amène. Malheureusement, je n'ai pas envie de me remarier. À votre âge, mais ce serait un meurtre. Vous ne pouvez pas rester veuve toute la vie. C'est si charmant le veuvage. Profiter que vraiment le mariage de quoi donc d'une autre épreuve risquer la comparaison? Restons-en là, c'est de l'adresse, plus tard tu sais où l'on ira. Plus tard tu sais où l'on ira. Trop vouloir n'est pas la sagesse. Une fois suffit bien. Oui, non. Mon premier fut adorable. Il eut toutes les vertus. Il fut doux, charmant et aimable. Il eut tout, puisqu'il n'est plus. Pour vous, la mauvaise affaire d'avoir le numéro 2, car toujours la chose est claire, le premier valait bien mieux. Restons-en là, c'est de l'adresse, plus tard qu'il sait où l'on ira. Trop vouloir n'est pas la sagesse. Restons-en là, restons-en là, restons-en là, c'est de l'adresse, plus tard qu'il sait où l'on ira. Trop vouloir n'est pas la sagesse. Une fois suffit bien. Oui, non. Vous avez tort. Vous ne savez pas ce que vous refusez. Du reste, j'en ai touché quelques mots au duc. Il m'a presque promis... Sans me consulter? Je lui ai dit que ça me ferait tant de plaisir. À vous, je comprends ça. Mais à moi, c'est une autre affaire. Très sérieusement, je ne peux pas vous souffrir. Mais je le sais. C'est ce qui m'encourage. Oh, une pareille insistance, hein, c'est trop fort. Allons, bon, voilà que je m'emporte. C'est inutile. Adieu, chevalier. Je ne serai jamais votre femme, vous savez. Jamais. Eh bien, si, elle le sera. Je l'ai mis dans ma tête. Quel est ce bruit ? À le singulier personnage, j'étais l'original. Ces oiseaux-là! Voulez-vous bien vous taire? Craignez notre colère! Silence, tenez-vous cadet. Et sachez, monsieur mon balai, que le calme toujours convient aux belles âmes. Pardon, messieurs, pardon, mesdames, le duc de Parme, s'il vous plaît. Le duc de Parme, s'il vous plaît. Parisienne, mordieu, je vois qu'on ne veut pas m'entendre. Eh bien, messieurs, nous allons nous comprendre. Hola, monsieur Cadet. Présent. Emmène, je vous prie, notre monture à l'écurie, et qu'on en prenne soin comme il s'y est à mon rang. Très étonnant, monsieur le prenant. Et maintenant, peuple de cette ville, je ne vous ferai point de discours inutile. D'un mot, je vais gagner toute votre faveur. Je suis messire, je suis ambassadeur. Ambassadeur, ambassadeur. J'ai cet honneur. Oh, quel applaudissement. Ambassadeur. Ambassadeur. Ambassadeur. Ambassadeur. Ambassadeur. vous étonne, hein? Et quoi cela vous étonne? C'est pourtant la vérité. Le roi de France en personne jusqu'ici m'a député. Il m'a dit, prends cette lettre, et puis t'en vas au duc de Parme me remettre le message que voilà. Le message que voilà. Nous, depuis, cela s'explique, vous le direz sans erreur, concluant avec logique, que je suis ambassadeur. Eh oui. La voilà, cette enveloppe qui pourrait peut-être bien changer le sort de l'Europe tout en ayant l'air de rien. La voilà, que contient-elle? Sans doute un secret d'État d'une importance réelle. Regardez tous, la voilà. Regardez tous, la voilà. Cela s'explique, vous le direz sans erreur, concluant avec logique, que je suis ambassadeur. Cet étrange personnage qui vient d'amuser si fort les braves gens de Parme s'appelle le capitaine Perpignac. Il vient de Gascogne à cheval. Sa monture étique, son accoutrement bizarre, l'excentricité de son valet cadet ont suscité le rire. Mais plus d'une jeune fille a remarqué d'autre part sa belle prestance et sa mine fière. Son titre d'ambassadeur au surplus lui conquiert l'estime générale. Ce titre est-il usurpé? Oui et non. Perpignac, à la vérité, doit remettre au duc de Parme un pli du roi de France. C'est que notre Gascon, en effet, grand amateur de jolies femmes, a été surpris par Henri IV en compagnie de la favorite royale. Ouh, le ver galant n'a pas fait de drame. Il a seulement donné l'ordre à Perpignac de partir pour l'Italie avec un message secret. Or, voici justement son Altesse qui survient. C'est l'heure où ses sujets lui remettent leur placet. Pomponio organise la cérémonie avec tous les ménagements que nécessite la fatigue congénitale. Attention, vous autres. Vive le duc. Vive le duc. Merci, mes amis. Merci. Je suis heureux. Je suis touché. Un siège. Je suis fatigué. Merci. Merci. Continuez pour moi, bon pognon. Bon. Mes amis, le duc vous remercie. Il est heureux. Il est touché. Il est fatigué. Oh, mais il est assis. Alors maintenant, placez vos placets. Monseigneur. Bien. Monseigneur. Bien. Monseigneur. On les lira. Prenez Pomponio. Ah, à mon tour, malheureux. Mais c'était bien la peine de vous prévenir. Je vous dis de vous présenter avec ménagement et vous arrivez là. Oh, vous voyez ce que vous faites. Le duc s'évanouit. Ah, mais est-ce que je savais, moi? Mais ce n'est rien, Altesse, remettez-vous. C'est un courrier du roi de France. Roi de France. Courrier. Allons, ce n'est rien. Monseigneur, vous allez mieux? Oui, je vais mieux. Voyons ce courrier. Alors, donnez votre lettre, mais doucement, sans secousse, là. Comme si vous la mettiez dans une boîte. Voilà. Oh, pardon. Allez. Oh, quel drôle de duc. À mon cousin Henri IV me prie de vous donner un brevet de capitaine dans mes gardes. C'est fait. Mais ce n'est pas tout. Qu'est-ce qu'il a encore? Ah, mais j'en peux plus. Lisez Pomponio. Merci. Oh. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre? Oh, il y a... Oh non, je ne peux pas. Oh, tenez, lisez vous-même. Mon cher cousin, je vous envoie un de mes grands nigauds de Gascon. C'est un brave garçon dont le bras est sûr et fidèle, mais dont la tête est légère, et à qui il arriverait malheur s'il restait à la cour de France. Donnez-lui un brevet de capitaine dans vos gardes. Vous serez content de ses services. Mais je ne vois rien là, moi, hein, capitaine? Mais continuez. Non, je continue. Mais ça n'est pas tout. Le susdit Gascon m'a joué dernièrement un tour que je ne lui pardonne pas. Aïe. Je désire qu'il en soit puni et j'ai imaginé une petite vengeance que je crois assez drôle. Pour la mettre à exécution, j'ai pensé à votre cour, dont je connais la réputation d'austérité. Voici ce dont il s'agit. Je désire que pendant 40 jours, il soit interdit à mon Gascon de parler d'amour à une femme. Le fait même de porter à ses lèvres une main féminine sera puni de la façon la plus rigoureuse. Mon pauvre maître. Mon cadet. Eh bien, qu'est-ce que vous dites de ça? Je dis que ce n'est pas sérieux, voyons. Mais vous allez voir, policier Girafeau. Altesse. Mais approchez. Vous avez entendu ce que vient de lire le capitaine? Oui, Altesse. Mais c'est vous que je charge de le surveiller. Hein? À partir de maintenant, vous ne le quitterez plus. Partout où il sera, vous serez. Partout où il ira, vous irez. Bref, vous serez son ombre. Et... 40 jours, 40 jours, loin des amours. Mon Dieu, la triste fête. 40 jours, 40 jours. Hélas, mon pauvre maître, il faut vous y soumettre. 40 jours, 40 jours. Vraiment, l'idée est folle. J'en ris sur ma parole. 40 jours. Croyez, cher capitaine, que je plains votre peine. 40 jours. Nous ferons connaissance. Je vous plairai, je pense. 40 jours. Ah, j'enrage, mordieu. Voyons, monsieur, voyons, prenez courage. Ah, Capellius, comment aurais-je du courage? Les femmes que j'aimais tant, je vais les aimer davantage. Maintenant qu'on me le dépense. Femme. et avec le policier Girafeau à ses trousses, Perpignac trouve la situation pénible. Il décide de se calfeutrer dans l'auberge avec son valet cadet durant tout ce maudit carnaval. Mais auparavant, il court visiter la ville entraînant sur ses pas l'attentif Girafeau. Bientôt, l'hôtelière sort de son auberge afin de recevoir les voyageurs de la diligence qui vient de... Alors, dépêchez-vous de tout préparer. Voilà quelques personnes qui descendent de la diligence. Par ici, messieurs et mesdames. La meilleure hôtellerie de toute la ville. Oh, donnez-vous la peine d'entrer. Vous serez très bien traités. Ah, alors, viens-tu, Jaquette? Voilà, papa, voilà. Ah, enfin, nous y sommes, hein? Ce n'est pas malheureux. Ah, qu'est-ce qu'il m'aurait dit, hein, moi, que moi, Amadis, Grabassou, je me trouverai à Parme, en Italie. Et tout ça pour voir qui? Ton cousin Perpignac. Mais puisqu'il n'était plus à Paris quand nous y sommes allés. Oui, renvoyé à la suite d'une frasque. Ah, n'en fais pas qui veut des frasques. Ça prouve qu'il est bel homme, donc. Oh, bel homme, bel homme. Comme si tu le connaissais. Oui, je le connais. Ne me connaît peut-être pas, lui. Ne se rappelle même pas que j'existe. Ben, tu vois. J'étais une si petite fille quand il a passé par le pays, il y a 6 ans. Mmh. Il n'a même pas fait attention à moi. Je te le dis. Mais moi, j'ai bien fait attention à lui, va. Oui. Et tous les mois, j'économisais pour mettre à la loterie, espérant bien qu'un jour ou l'autre, je gagnerais le gros lot. Eh bien, le gros lot, il s'est décidé, je l'ai eu à la fin. Alors, j'ai fait ni une ni deux. Je t'ai dit, nous allons partir pour Paris. À Paris, nous apprenons que Perpignac vient de partir pour Parme. Alors, je t'ai dit, nous allons partir pour Parme, voilà. Et si, après tout ça, il ne t'aimait pas? Ne pas m'aimer, lui. Oh, papa. Et là, papa, tu me fais rire. Je suis ta fille et cependant, par moment, quand je t'entends dire, tu m'en ferais douter vraiment. Doucement. Et si défunte ma pauvre mère n'eût pas été ce qu'elle était, parole d'honneur, on dirait que tu ne fus jamais mon père. Hiss à dix, la petite Jaquette a fort bonne tête. Hiss à dix, quatre et dix. La petite Jaquette n'est pas une bête. Non, 110 n'est pas une bête. 4-10. Ne dis pas que tu serais une bête, mais je suis ton père. Attention, voyons. Jaquette. Quand là, je me suis mis une chose, c'est pas ailleurs, c'est là qu'elle est. L'homme propose et Dieu dispose. Moi, ce que je propose, c'est comme fait. À mon cousin, je pense quand même, j'ai mis dans ma tête qu'il m'aimerait. Et quoi qu'on dise, quoi qu'on en ait, vois-tu, papa, faudra qu'il m'aime. Et ça dit, 4-10, la petite Jaquette a fort bonne tête. Et ça dit, 4-10, la petite Jaquette n'est pas une bête. Non, 110 n'est pas une bête, 4-10. Oui, mais en attendant, il s'agirait de savoir s'il est ici. Tiens, voilà justement l'hôtelière. Attends, je vais l'interroger. Dites-moi, madame l'hôtelière. Oui. Vous n'auriez pas vu arriver ici un cavalier, jeune, superbe, avec des moustaches en croque? Ah, l'homme aux 40 jours. Ah, parfaitement, il est ici. Il va venir dans un instant. Comment ça, l'homme aux 40 jours? Mais vous ne savez donc pas? Et non. Non. Oh, ce pauvre capitaine, pendant 40 jours, il ne peut même pas embrasser la main d'une femme. Sinon, la prison et tout ce qui s'ensuit. Oh. Qu'est-ce que vous dites? La vérité, mademoiselle. Il paraît que c'est un ordre du roi de France pour le punir d'une frasque qu'il a faite là-bas. Madame Oui. Madame. Oui, je viens. Mais, pardon, on m'appelle. Oh, 40 jours. T'as entendu, papa? Oui. Il doit en faire une tête, ton cousin, lui qui est un farceur. Oh, pauvre cousin. Je le vois d'ici. Mais j'y pense. Oui. Quand il va me voir, il ne résistera pas au désir de m'embrasser, c'est sûr. Alors je vais être en danger pour lui. Ouais, mais tu as raison, faut nous en aller. Ah non, pas nous en aller, tu perds la tête. Au contraire, je veux être là pour le protéger sans qu'il s'en aperçoive. Ah, mais comment faire? Mais c'est lui qui vient là-bas. Oh, déjà. Oh, que décider, mon Dieu. Je ne sais pas, moi. Oh, cette enseigne. Pandolfo, drapier, costumier. Nous sommes sauvés. Je tiens mon idée. Comment? Oh, je n'ai pas le temps de te l'expliquer. Mais... Reçois-le, ouais. Amuse-le, et surtout, lui dis pas que t'as une fille. C'est capital. Mais... C'est capital, t'entends? Mais où va-t-elle? Mais elle me laisse seule. Mais je ne sais pas ce que je vais lui dire, moi, Perpignac. Reçois-le, amuse-le. Si elle croit que c'est commode. Bon, nous avons égaré le policier. Maintenant, mon bon cadet, notre logement doit être prêt. Il s'agit de nous aller cloîtrer. Et tu sais ce que je t'ai dit, hein? Excepté pour le service, nous ne mettrons pas le nez dehors. Comment nous, permettez, monsieur, je ne suis pas compris dans la mesure, moi. Ta-ta-ta-ta, vous connaissez le proverbe? Tel maître, tel valet. Je vais faire mes 40 jours, vous ferez vos 40 jours. Mais... Et ne répliquons pas! Navrante perspective. Mais on dirait que voilà un gros rire bête qui ne m'est pas inconnu. Peut-être bien, mon neveu. Oh, par exemple, comment l'oncle Gravassou? Un personne naturel. Eh oui. Eh bien, voilà une surprise. N'est-ce pas? Ça va bien? Pas mal, merci. Par quel hasard? Oh, ce n'est pas un hasard. Il y a assez longtemps que nous courons. Enfin, je veux dire que je cours après toi. Ah, je voulais te donner des nouvelles du pays. Des nouvelles? Elles sont donc bien importantes. Ben, je crois bien. Eh bien, voyons, contez-moi ça. Voilà. D'abord, il y a la vigne. Elle est gelée, la vigne. Ah. Et puis après? Après? Eh bien, après, il y a les carottes. Elles sont gelées? Non, mais elles ne lèvent pas. Elle ne lève pas. Et c'est pour me dire ça que vous avez fait le voyage en Italie? Ben, je croyais que ça t'intéresserait, moi. Diable de jaquette qui n'arrive pas. Je suis au bout du rouleau, moi. Me voilà, papa. Oh, comment, jaquette, tu as mis un costume de garçon? Oui, mais tais-toi, hein. Je suis ton fils. Présente-moi. Oui, je comprends. Très bien, très bien, très bien. Mon cher Perpignac. Oh, Perpignac. Oncle Gravassou. Oui. J'avais encore oublié une chose. Ah, hein? Je te présente... Non, pas les carottes. Nous en avons parlé, c'est fini, ça. Je te présente ton cousin. Ton cousin, Jacquet. Eh oui, Jacquet. Mon cousin? Oui. Mais permettez, il me semblait que c'était une cousine. Et je ne peux pas être votre cousine, puisque je suis un garçon. Ben, c'est péremptoire. Ah, c'est péremptoire? Alors j'aurais confondu. Et pourtant, autrefois... Autrefois, il y a longtemps, on ne pouvait pas se rendre compte, il était trop petit. Mais à présent... Pour mes tours et pour mes modestes, je n'ai pas mon pareil dans le pays. Je suis fort à tous les exercices et je suis vif comme une souris. Je saute, je fais le diable, je coupe les sonnettes et chaque nuit, je réveille les bourgeois dans leur lit. Bref, je suis un garçon pendable. Aussi, dans le village, on me connaît et chacun dit: mon Dieu qu'il est, mon Dieu qu'il est, qu'il est farceur ce gueux de jaquet. Mon Dieu qu'il est, mon Dieu qu'il est, mon Dieu qu'il est farceur, mon Dieu qu'il est farceur, mon Dieu qu'il est farceur, qu'il est farceur, qu'il est farceur, qu'il est farceur ce gueux de jaquet. Parfois pourtant je m'humanise, dimanche soir pour me dégourdir, quand je fais danser une jeune bêtise, je lui dis des choses qui font plaisir. Je la chatouille, elle trouve ça drôle, elle se défend mais faiblement, et moi je cueille sournoisement un gros baiser tout près de l'épaule. Aussi chaque fillette me connaît et se dit tout bas: mon Dieu qui... Mon Dieu qu'il est, qu'il est farceur ce gueux de jaquet. Mon Dieu qu'il est, oh, mon Dieu qu'il est, mon Dieu qu'il est farceur, mon Dieu qu'il est farceur, mon Dieu qu'il est farceur, qu'il est farceur, qu'il est farceur, qu'il est farceur ce gueux de jaquet. Perpignac trouve son cousin Jacquet très sympathique et ne demande pas mieux que de l'associer à sa quarantaine. Par malchance, et tandis que Jacquet et son père s'installent à l'hôtellerie, ne voilà-t-il pas que Perpignac fait la connaissance de la comtesse Bianca? La jeune femme, exaspérée par Pomponio, cherche un moyen d'éviter le mariage que le duc de Parme veut lui imposer. Elle ne voit guère qu'un enlèvement et jette son dévolu sur Perpignac. L'incorrigible Gascon accepte avec enthousiasme. Il s'en va préparer le départ malgré les supplications de son valet cadet, fort inquiet des suites probables d'une telle indiscipline. Bianca rentre chez elle et Cadet, tremblant, assiste aux réactions du policier Girafeau, qui dissimulé. Un enlèvement ! Eh bien, il ne perd pas de temps, mon client. Nous allons établir une petite souricière pour le pincer bien gentiment. Je vais mettre un policier là, un autre ici, deux derrière et les autres sous le balcon. Et puis, je vais prévenir le duc. Je serai de retour à temps. Je le tiens. Pas de doute, Girafeau a tout compris. Oh, mon maître, mon pauvre maître, il est perdu. Mais que dis-tu, cadet? Oh, monsieur Jacquet, si vous saviez, mon maître, votre cousin. Mais quoi d'or? Mais oui, il enlève une femme. Une femme qui demeure là, et dans 5 minutes, ce sera fait. Et surveillé comme il est, il va se faire pincer, pour sûr. Ah, mais non, je ne veux pas. Oh, mais comment se débarrasser de cette femme? J'y suis. C'est moi qui vais l'enlever. Vous? Oui. Et quand nous serons loin de la ville, sur la grande route, je la perdrai, voilà tout. Mais enfin, mais... Voyons. Ah, oh, le manteau de mon cousin qui est là, avec son chapeau. Et c'est parfait. Aide-moi à le mettre. Oui. Là. Maintenant, en dissimulant ma figure et en marchant d'une certaine façon, tiens, comme ça, hein? C'est tout à fait ça, vous y êtes. Sur ce, laisse-moi, il n'y a plus de temps à perdre. Procure-toi bien vite une voiture et attends-moi au bout de cette rue. Il s'agit de vous empêcher de faire des bêtises. Madame ! Madame ! C'est vous, capitaine ? Oui, dépêchez-vous ! Dans une minute ! Là, voilà qui est fait. Mon cheval est scellé, tout est prêt. Mais, qu'est-ce que c'est ? Un autre homme à la porte de ma belle ? Et avec mon manteau ? Ah, nous allons voir, par exemple. Oh, que vois-je, les policiers ? C'est un piège. Rentrons vite. Me voici. Nous approchons avec silence. Et voilà, sans défense, nous les passons. Pour moi, quelle vilaine histoire! Hélas, de moi que va-t-on croire? Le flagrant délit est notoire. On a pris la main dans le sac du capitaine Perpignac. On a pris la main dans le sac du capitaine Perpignac. Voici le duc. Vite une chaise! Vite une chaise! Vite une chaise, vite une chaise. Je ne me sens pas à mon aise. Le duc n'est pas à son aise. Et maintenant, la parole est à vous. Qu'arrive-t-il? Parlez, je boue. Excellence, ma joie est immense. Ma joie est immense. Car j'ai pris la main dans le sac du capitaine Perpignac. Qu'entends-je, Perpignac? J'ai pris la main dans le sac du capitaine Perpignac. Mon Dieu, quel est tout ce micmac? Que lui veut-on à Perpignac? Comment? Aurais-je la berlure? Mais tout à l'heure, ici même, à ma vue. Vous êtes, mon brave homme, assez mal informé. J'étais sur ce balcon, et mon l'air embaumé. Dans le calme ordinaire, aux bonnes consciences, et vous m'avez troublé par vos impertinences. En un mot, maître Girafo, vous êtes un sot, hein? Vous êtes un sot. Un sot, moi Girafo. Vous êtes un sot, maître Girafo. Je suffoque de rage. Mais alors l'autre, celui-ci. Diable, nous y voici. Approche ici que l'on contemple ton visage. Ah ! Ciel, ma fille, mon cousin. Quel est ce petit gamin ? Je produis un effet certain. Quel est ton nom? Jacquet. Jacquet. Qu'est-ce que c'est que ce Jacquet? Je vais le dire, s'il vous plaît. Le dire, s'il vous plaît. Je suis cousin du capitaine. Du capitaine ici présent. Cousin du capitaine. Parfaitement, la chose est très certaine. Je suis cousin du capitaine. N'est-il pas vrai, mon cher cousin? Oui, ce gamin est mon cousin. Ah. Je viens de chez le notaire, dans une heure il sera là. Le notaire, il sort, je viens de le notaire. Le notaire, voilà qui fait mon affaire, c'est lui qui me vengera. Un semblable scandale fait gémir la morale. Il n'est qu'un remède à cela, ce soir même on vous mariera. À moi de donner une femme, d'un tel pour être la femme. Comment tu lui donnes ma femme? Le gars me souffle cette femme. Qu'on les saisisse tous les deux et qu'au palais on les emmène. Je veux que ce soir sous mes yeux le mariage les enchaîne. Mais c'est affreux, abominable, et je vais protester. Non pas, non pas, il faut rester devant le monde imperturbable. Pourtant, bah, je trouverai bien avant ce soir quelques moyens. Avant ce soir quelques moyens. Et ça dise, quatre et dix, la petite jaquette n'est pas une bête. Et ça dise, quatre et dix, la petite jaquette n'est pas une bête. Non, non, non, non, non, non, non, non, ça dise, n'est pas une bête. Quatre et dix.